Il faudrait traverser un univers lyrique, comme on traverse un corps qu'on a beaucoup aimé. Il faudrait réveiller les puissances opprimées, la soif d'éternité, douteuse et pathétique.